Nostalgie 60. Les chansons cultes des années 60. Nostalgie. Tu as volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange. Tu as volé, a volé, a volé l'orange du marchand. Non. Tu as volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange. Tu as volé, a volé, a volé l'orange du marchand. Non. Vous êtes fou. C'est pas moi. J'ai pas volé l'orange. J'ai trop peur des voleurs. J'ai pas pris l'orange du marchand. Ça ne peut être que toi. Tu es méchant, il est. Il y avait comme du sang sur tes doigts quand l'orange coulait. Non, non, non, non, non, non. Oui, c'est bien toi qui l'as volé avec tes mains crochues. C'est fou, dit. Oui, c'est bien toi qui l'as volé pour quelqu'un qui t'a vu. Je courais dans la montagne, regardant tout le temps les étoiles dans les yeux. Vous vous trompez, je cherchais dans la montagne l'oiseau bleu. Appelé, appelé, appelé, appelé, appelé, appelé l'orange. Mais non, mais non, non, non. Appelé, appelé, appelé l'orange du marchand. Vous êtes fou, c'est pas moi. J'ai pas volé, pas volé l'orange. J'ai trop peur des voleurs, j'ai pas pris l'orange. Il y a fait longtemps qu'on te guettait avec tes dents de loup. Il y a fait longtemps qu'on te guettait, t'auras la corde au cou. C'est fou, non? Pour toi, ce jour, c'est le dernier. Non. Tu es qu'un sale voleur. J'ai rien fait, dit non. D'abord, tu n'es qu'un étranger et tu portes malheur. Les étoiles dans les cieux, vous vous trompez. Je cherchais dans la montagne l'oiseau bleu. Pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, l'orange. Il a volé l'orange. J'ai pas volé, pas volé, pas volé, l'orange. Je suis un chanteur. J'ai pas volé. une frontière entre mer et terre, le désert et la vie. Nostalgie 60. Your hair was

your slave. I don't want you to work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love to you. Wash your clothes. I don't want to keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you. Love to you. Ooh, love to you. And I can tell by the way you walk that walk. I can hear by the way you talk that talk. I can know by the way you treat your girl that I can give you all the loving in the whole wide world. All I want you to do is make your bread just to make sure you're well fed. I don't want you sad and blue. I just want to make love to you. Love to you. Je m'occupais de la vigne et mon frère chargeait le foin. Et l'heure du déjeuner venue, on est retourné à la maison. Et notre mère a crié de la cuisine, essuyez vos pieds sur le paillasson. Puis elle nous dit qu'elle avait des nouvelles de Bourg-les-Essonnes. Ce matin, Marie-Jeanne Guillaume s'est jetée du pont de la Garonne. Et mon père dit à ma mère en nous passant le plat de gratin. La Marie-Jeanne, elle n'était pas très maligne, passe-moi donc le pain. Il y a bien encore 2 hectares à labourer dans le champ de la canne. Et maman dit, tu vois, quand j'y pense, c'est quand même bête pour cette pauvre Marie-Jeanne. On dirait qu'il n'arrive jamais rien de bon à Bourg-les-Essonnes. Et voilà que Marie-Jeanne Guillaume va se jeter du pont de la gare. Mon frère dit qu'il se souvenait quand lui et moi et le grand Nicolas, on avait mis une grenouille dans le dos de Marie-Jeanne un soir au cinéma. Et il me dit, tu te rappelles, tu lui parlais ce dimanche près de l'église. Donne-moi encore un peu de vin, c'est bien injuste la vie. dire que je l'ai vu à la Syrie hier à Bourg-les-Essonnes. Et qu'aujourd'hui, Marie-Jeanne s'est jetée du pont de la Garonne. Maman m'a dit, enfin mon grand, tu n'as pas beaucoup d'appétit. J'ai cuisiné tout ce matin et tu n'as rien touché, tu n'as rien pris. Dis-moi, la sœur de ce jeune curé est passée en auto. Elle a dit qu'elle viendrait dimanche à dîner pour et à propos. Elle dit qu'elle a vu un garçon qui te ressemblait à Bourg-les-Essonnes. Marie-Jeanne jetait quelque chose du pont de la Garonne. Toute une année est passée, on ne parle plus du tout de Marie-Jeanne. Mon frère qui s'est marié a pris un magasin avec sa femme. La grippe est venue par chez nous et mon père en est mort en janvier. Depuis, maman n'a plus envie de faire grand-chose. Elle est toujours fatiguée. Et moi, de temps en temps, je vais ramasser quelques fleurs du côté des essences. Et je les jette dans les eaux boueuses du haut du pont de la Garonne. They'd never end. We'd sing and dance. Nostalgie 60. Les 60s, comme si vous y étiez. Nostalgie. Nostalgie. Il est 23h. Thank you. Nostalgie 60, 24h sur 24. Nostalgie. The end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety. Surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be? So limitless and free, desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. L-A-E dans la T-I-T-I-A. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Sur ma Remington portative, j'ai écrit ton nom Laetitia. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Laetitia, les jours qui se suivent, hélas, ne se ressemblent pas. L-A-E dans la T-I-T-I-A. C'est ma douleur que je cultive en frappant ces huit lettres-là. L-A-E dans la T-I-T-I-A. C'est une fleur bien maladive, je la touche du bout des doigts. L-A-E dans la T-I-T-I-A. S'il faut aller à la dérive, je veux bien y aller pour toi. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Ma raison en définitive se perd dans ces huit lettres-là. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Sur ma Remington portative, j'ai écrit ton nom Laetitia. L-A-E dans la T-I-T-I-A. L-A-E dans la T-I-T-I-A. La décennie de vos plus beaux moments. Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province, quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier? Et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières? Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends? Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit. Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, et puis du lit au lit. Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, tout habillé de rêve, c'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plus laide. Et le temps d'un sanglot oublié toute une heure, la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui les attend. Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Ils se tiennent la main, ils ont peur de se perdre et se perdent pourtant. Et l'autre reste là, le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère, cela n'importe pas. Celui des deux qui reste se retrouve en enfer. Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois en pluie et en chagrin, traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin, et fuir devant vous une dernière fois la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui leur dit je t'attends. Qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui nous attend. dressed in blue. See the sky in front of you, and your face is like a sail, spit white, so fair and pale. Have you seen a lady fair? She comes in colors everywhere. She combs her hair, she's like a rainbow, coming colors in the air. Everywhere she comes in color. Have you seen her all in gold? Days of old, she shoots colors all around, like the sunset going down. Have you seen the lady fairer? She comes in colors everywhere. She combs her hair, she's like a rainbow, coming colors in the air. Oh, everywhere she comes in 60. Les chansons cultes des années 60. Nostalgie. Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau. C'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris, que c'est beau. C'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées, que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé, que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter, oui c'est beau la vie.